بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نواصل في شرح أصول الإيمان وشير فرير on continue l'explication de l'épître, les fondements de la foi de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab رحمه تعالى. Aujourd'hui, le hadith 88. Il y a 141 hadith dans le livre. Aujourd'hui, on commence le hadith 88, inshallah ta'ala. An al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu kal wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan baligha ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا selon les Ibad ibn Sariya radiyallahu anhu qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un serment très émotif et très fort, qui a fait pleurer nos yeux et frémir nos cœurs. Alors, un homme a dit, ô messager d'Allah, c'est comme si ce sermon est un sermon d'adieu. Alors, fais-nous des recommandations. Fais-nous des recommandations, ô messager d'Allah. Alors, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, usikum bi taqwallah. Je vous recommande de craindre Allah. Wa sam'i wa ta'a. Et d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire au gouverneur. Wa in kana 'abdan habashiyan. Et même si c'était un esclave habashi. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Certes, celui d'entre vous qui aura une longue vie verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna, ainsi que celle des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous fermement à celle-ci et mordez-y à pleines dents. وإياكم ومحدثات الأمور. Et méfiez-vous, prenez garde aux inventions dans la religion. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ car certes, toute invention est une innovation. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ et toute innovation est un égarement. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَهُ. Donc le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi que Tirmidhi qui l'a authentifié et aussi Ibn Majah. Et ensuite il continue l'auteur rahimahullah et il nous dit وَفِي رِوَايَة dans une narration. لَكَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ. Certes, je vous ai laissé sur une voie claire. Elle est claire. لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا. Sa nuit est comme sa journée. Elle est claire. Pas de différence entre les deux. لَا يَزِيرُ عَنْهَا بَعْدِ إِلَّا هَالِكِ. Le seul qui s'éloigne de cette voie après moi est un égaré, est une personne qui est vouée à la perdition. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et celui d'entre vous qui vivra, il verra beaucoup de divergences. La suite du hadith. أيها الإخوة, هذا الحديث مهم جدا. Ce hadith, il est très, très, très important. Premièrement, على الإمام, على المحدث, أن يعظ الناس ويختار الألفاظ التي تؤثر في قلوبهم. Premièrement, il est important à l'imam, à l'enseignant, de choisir les termes qui vont toucher, qui vont avoir un impact sur le cœur des gens. Ça, c'est important. Qu'on ne prenne pas que le papier, on lise comme ça, oui, c'est bien, mais il faut aussi savoir toucher le public. Il faut aussi savoir toucher les gens afin que les gens comprennent ce qu'on leur explique. وَكَذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيُّوَ الْإِخْوَةِ الأمر bittaqwa. Il y a dans ce hadith l'ordre d'avoir la taqwa, la crainte. Wa ma hiya taqwa? C'est quoi la taqwa? Que tu places une protection entre toi et le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. En faisant quoi? Le fait d'obéir aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et de délaisser les interdits. C'est ça taqwa. Et ça c'est très important, ça c'est un caractère important. Car si tu n'as pas la taqwa, tu peux assister à tous les cours que tu veux. Tu ne vas pas profiter. Si tu n'as pas la taqwa, quand tu taqra'u al-Qur'an wa la tantafi'a, tu peux lire le Coran et tu ne profites pas. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, au début de Sourate al-Baqara, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ceci est le livre sur lequel il n'y a nul doute. Hudan lil muttaqin. Une guidée pour ceux qui ont la taqwa. El muttaqun. Car si tu n'as pas la taqwa, tu peux le lire. Tu vas voir, ça c'est haram. C'est pas grave. Ça c'est obligatoire. C'est pas grave. Et donc, il est important, chers frères, qu'on craigne Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on craigne son châtiment et qu'on fasse les causes pour ne pas être jeté dans le feu. وكذلك في الحديث الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر. Il y a aussi dans le hadith l'ordre d'obéir, d'écouter et d'obéir au gouverneur. Et ça fait partie هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة, la croyance des gens de la sunna et du groupe. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. C'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Les gens ils vont nous dire, ah, vous travaillez pour les gouverneurs, vous travaillez pour les gouverneurs. Là là, هذا قول نبينا. Ça c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Ça s'arrête là. Le prophète qui nous dit sallallahu alayhi wa sallam, isma wa ati'a, écoute et obéis. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Même si celui-ci, donc le gouverneur, il frappe ton dos et qu'il prend ton argent, écoute et obéis. Il veut la dunya. Écoute et obéis. Pourquoi? Maintenant, alhamdulillah, avec ce qui s'est passé dans les pays musulmans, si on ne comprend pas, Allah, les frères, je ne sais pas comment on va comprendre. Si on ne comprend pas avec tout ce qui s'est passé, Libye, Syrie, la Tunisie, etc., etc., tout ce qui s'est passé comme désordre, meurtre, viol, si on ne comprend pas qu'il ne faut pas se rebeller contre les gouverneurs, les frères, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Franchement, je ne sais pas. Les gens leur ont lu verset du Coran, hadith, ils n'ont pas compris, ils sont sortis quand même. La guerre, même après la guerre, ils ne comprennent toujours pas. Bon, quand est-ce qu'on va comprendre? Quand est-ce qu'on va comprendre? Et ici, il y a un passage important dans ce hadith. Les frères, à notre époque, il y a énormément d'ambiguïté pour éloigner les gens de l'islam. Énormément d'ambiguïté. Parmi les ambiguïtés qu'il y a, l'esclavage. L'esclavage. Hein? Il nous parle de l'esclavage arabo-musulman. Les frères, est-ce que vous avez étudié l'histoire et la différence qu'il y a entre l'esclavage des maîtres européens et l'esclavage qu'il y a dans le Coran et la Sunna? Le seul lien qu'il y a entre les deux, c'est le mot esclave. C'est le seul lien qu'il y a entre les deux. Sinon, l'esclave, chez les musulmans, il est meilleur que le libre chez les incroyants. Et l'islam appelle à libérer les esclaves. Il faut comprendre un point essentiel, c'est que l'esclavage existe depuis longtemps, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, l'esclavage existe. Lorsque l'islam est arrivé, l'islam a mis des limites à cet esclavage et a poussé à libérer les esclaves. C'est pour ça que lorsque tu trouves dans les textes du Coran et de la Sunna, telle mauvaise action, libérez tant d'esclaves. Telle mauvaise action, libérez tant d'esclaves. Telle mauvaise action, libérez tant d'esclaves. Et maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on trouve un seul texte dans le Coran, dans la Sunna, où on nous dit prenez tant d'esclaves. Où? Tu ne trouves pas. Pas un. Je dis bien pas un. Il n'y a pas. Parce que l'islam ne pousse pas les gens à l'esclavage. L'islam pousse à libérer les esclaves. Et donc les esclaves ont été libérés, ont été libérés, ont été libérés jusqu'à notre époque où les musulmans ont libéré les esclaves sans qu'on ait eu besoin de faire l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, les Français, ils nous parlent en Martinique, on a la fête de l'abolition de l'esclavage. En islam, on n'a pas ça, puisque les musulmans, l'islam nous a poussé à libérer les esclaves petit à petit. Et donc, il y a une très grande différence entre les deux, les frères. Ça, c'est important de lire sur ce genre de sujet. Et ici, dans ce hadith, on voit un point essentiel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit d'obéir au gouverneur, même si c'est un esclave. Même si c'est un esclave. Yalla hat, ramenez-moi un seul des textes de loi de notre époque. Je ne dis pas de l'époque ancienne, où il y avait encore des esclaves. Je dis de notre époque, qui nous disent d'obéir à un esclave. Tu ne trouveras ça nulle part, sauf dans la religion musulmane. Sauf dans la religion musulmane. Omar, radiallahu anhu, qui faisait l'éloge d'un homme esclave par rapport à sa connaissance du Coran, et il disait, subhanallah, comment Allah élève les gens. Allah a élevé cet homme. Alors qu'il était un esclave, mais il était respecté par toute la communauté musulmane. Pourquoi ? Par sa science, sa foi. Voilà ce qui distingue les gens en islam, ta pratique religieuse. Ce n'est pas le fait que tu sois libre ou esclave ou autre, c'est ta pratique religieuse qui fait la distinction entre les gens. Et donc ça c'est important, ça c'est très important, les frères. Et ici on a dans ce texte une preuve évidente montrant la grande différence qu'il y a entre l'islam et ce que pratiquaient donc les Européens et les Américains dans l'esclavage. Où on va trouver chez eux l'ordre d'obéir à un esclave? Dites-leur, allez chercher un texte chez vous, ils ne vont pas trouver. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui d'entre vous, innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, beaucoup de divergences. Oh, subhanallah. Énormément de divergences. Une personne se convertit à l'islam, on l'appelle tablir, ikhwan, soufi, si, ça. Je fais comment pour savoir la vérité? Comment je fais pour savoir? Lui, il dit qu'il est sur la vérité. Ainsi que lui. Comment je fais? Fa'alaykum bisunnati. Il nous dit, suivez ma sunna. Tu veux savoir qui est sur la vérité? Suis la sunna. Attention, Indek, ne tombe pas dans l'erreur. Suis ton origine, ta culture. Ah, dans mon pays, les gens ils font comme ça, donc je fais comme ça. Est-ce qu'on a des musulmans qui réfléchissent comme ça? Oui. Oui. Ils vont te dire, chez moi, au Maroc, on fait comme ça, donc c'est comme ça. Chez moi, en Algérie, on fait comme ça, donc c'est comme ça. Chez moi, au Sénégal, on fait comme ça, donc c'est comme ça. Un point, c'est tout. Là, c'est pas comme ça l'islam. L'islam, c'est qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu sois Sénégal, Tunis ou n'importe où, l'islam, c'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un point essentiel. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Et la sunna aussi des califes bien guidés. C'est qui les califes bien guidés? Abdurrahman. Al-khulafa ar-rashidun. T'as déjà étudié ou pas? Les khulafa ar-rashidun. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui le gouverneur des musulmans? Abu Bakr. Après. Omar. Après. Othman et après Ali, barakallahu fi. C'est eux les khulafa ar-rashidun. Et donc il est important, aux chers frères, qu'on s'accroche à cette sunna. Le problème qu'on a aujourd'hui, oui, on voit la division. Personne ne peut la nier. La division, elle est présente. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de ce sujet, lorsqu'il nous a dit d'obéir au gouverneur. Pourquoi ? Pour éviter la division. Pour éviter la division. Regardez comment ils sont les pays maintenant divisés. Tout ça parce qu'on a désobéi au gouverneur. Et ici, il nous donne un autre remède pour éviter la division. S'accrocher à la sunna. C'est en s'accrochant à sa sunna qu'on va, Inch'Allah ta'ala, réussir à réunir les musulmans. Mais si chacun veut suivre son origine, si chacun veut suivre sa famille, si chacun veut suivre sa culture, si chacun veut suivre son cheikh, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Lui, il a un cheikh, lui, il a un cheikh. Il y a combien d'origines dans la mosquée, là ? Il y en a combien ? Masha'Allah, peut-être 10, là, devant moi, là. Peut-être 10, wallahu alam. Hein ? Il y en a plein des origines. Si chacun suit son origine, on a 10 madhahib. Allez, on a le madhhab des Martiniquais, le madhhab des Français, après en France, ah non, là, moi, je viens de la France de l'Ouest. Moi, je viens de la France de l'Est. Hein? Après, on a le madhhab des Marocains. Après, on va te dire, non, mais attention, il y a Schleuch et il y a les autres. Alors qu'on a le madhhab... Et voilà. Et... Hein? Et donc, on a je ne sais pas combien, au final, on ne va pas réussir à s'unir si on s'accroche à nos cultures, à nos origines, à nos familles, à nos chouyours. Accroche-toi au texte. El-Kitab wa Sunna. C'est comme ça qu'on va réussir à faire quelque chose de beau, Inch'Allah ta'ala. Et pour finir, ici les frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans ce hadith, il nous cite un point important quant au fait de, pour nous montrer, il nous montre un exemple comment on doit s'accrocher à cette sunna. Il nous dit Addu alayha bin nawajid, c'est-à-dire mordez-y à pleines dents. Lorsqu'il y a quelque chose, tu le veux, tu ne veux pas qu'on te le prenne, tu as quelque chose, tu t'accroches avec tes deux mains. Mais on le tire encore, tu vas mettre tes dents encore pour pas. Non, je m'accroche à cette sunna. C'est comme ça que tu dois t'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est difficile à notre époque. Hein. À notre époque, tu t'accroches à la sunna, tout le monde te regarde. Ouh, wahhabi, salafi, ist, extrémiste, si. C'est difficile, hein? Les gens, ils te regardent. Tu marches, tu fais tes courses, t'as rien fait à personne. Je suis allé acheter des bourtoukals, je suis allé acheter des oranges, des carottes. Comme tout le monde. De l'eau, je vais acheter. T'as tout le monde qui te regarde. Oh, regarde ça, il a une barbe. C'est pas facile. Mais, alhamdoulillah. Tu t'accroches à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu es sur la voie de ceux qui sont les meilleurs de toutes les fréquentations. Les meilleurs que tu voudrais être avec eux, Yawm al-Qiyama. Yawm al-Qiyama, tu veux être avec qui ? Tu veux être avec ces gens qui te critiquent parce que tu es musulman ? Tu veux être avec ces gens qui se font petits parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont musulmans ? Ou tu veux être avec al-Nabiyyin, avec les prophètes ? Hein ? Avec les martyrs, avec les pieux, avec les véridiques ? Tu veux être avec qui ? Et donc, si tu veux être avec ces gens-là, il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu fasses des efforts. N'accorde pas d'importance aux critiques. N'accorde pas d'importance aux critiques. Laisse les gens parler. Il ne faut pas avoir peur des critiques des gens. C'est très important, les frères. Ça fait partie des caractéristiques des croyants. La yakhafuna lawmata la'im. Il nous a dit, Allah tabaraka wa ta'ala, ils n'ont pas peur du blâme des gens. Ils n'ont pas peur que les gens leur blâment. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je suis la voix du Coran et de la Sunna. Parle. Alhamdulillah. Et donc ça, c'est important, chers frères, qu'on s'accroche à la Sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. On continue demain, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khayran.